بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم جميعا أيها الأخوة et aux auditeurs et aux auditrices qui nous suivent sur la radio Bilal Al-Kini dans ce projet qui est une collaboration avec les frères de Ahl Sunna wal Jama'a de la ville de Montpellier. حفظكم الله ورعاكم جميعا. Et donc nous sommes dans une énième assise dans cette série qui se veut être une assise autour de l'explication des trois principes fondamentaux de Cheikh al-Islam Mohammed bin Abdul Wahhab al-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'a. Et nous sommes toujours en train de bénéficier des explications du noble Cheikh Ubayd ibn Abdillah ibn Suleyman ibn Ali al-Jabiri al-Hamdani rahimahullah rahmatan wasi'a. Donc on avait fait une pause qui avait duré plusieurs semaines dans notre programme de Aqidah, durant lesquelles nous avions bénéficié, c'est-à-dire dans les semaines qui ont précédé cette pause, nous avions été amenés à bénéficier des explications de Cheikh Ubayd. Puis, après cette pause de plusieurs semaines, on a, durant l'assise de la semaine dernière, fait un récapitulatif, une révision, un bref récapitulatif des éléments essentiels à retenir des leçons précédentes. On va poursuivre dans cette révision aujourd'hui. On va mener à complétion cette mention des éléments essentiels à retenir. Puis aujourd'hui, on va commencer l'étude de nouvelles notions dans le livre. Donc on va faire une modeste révision pour mener à bien ce projet ambitieux qu'on avait de récapituler les éléments essentiels. Et ensuite, on va faire de la nouvelle matière, de nouvelles notions seront abordées dans l'assise d'aujourd'hui, Inch'Allah. Fa'akoul. Donc, dans la muqaddima, j'avais expliqué que le livre pouvait être divisé en quatre grandes parties. La première partie, c'est la muqaddima, c'est-à-dire l'introduction, qui, elle, se divise en trois sous-parties. Puis, la deuxième partie du livre, c'est sur le premier fondement. La troisième partie du livre, c'est sur le deuxième fondement. La quatrième partie du livre, ce serait sur le troisième et dernier fondement, des trois principes fondamentaux. Donc, nous sommes toujours dans la muqaddima, l'introduction du livre. Cette introduction du livre est divisable en trois. On considère qu'elle est divisée en trois. Le premier paragraphe, la première partie de cette muqaddima, tourne autour de quatre points. Le premier d'entre eux, le fait d'apprendre. L'apprendre la religion, c'est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Ça, c'est l'essentiel de ce qu'il y a dans la première partie de la muqaddima. Ensuite, la deuxième partie de la muqaddima, c'est une partie qui focalise sur trois points. Le premier d'entre eux, c'est l'obéissance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième d'entre eux, c'est l'exclusivité d'Allah dans le culte et l'interdiction du polythéisme. Et le troisième, c'était al-wala wal-bara. Le premier, concernant l'obéissance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on l'a étudié et on l'a revu dans l'assise de la semaine dernière. Le second, concernant l'interdiction du shirk, et donc l'obligation de l'adoration exclusive d'Allah Azzawajal, ça on l'avait étudié à travers les explications de Cheikh Ubayd, et on l'avait révisé la semaine dernière. Donc là, on va réviser ce que l'on a vu dans le troisième point, et on va mener l'étude de ce point-là à complétion. Bi'idhnillahi Azzawajal. Donc parmi les notions que l'on avait vues, et là je reprends dans le récapitulatif, c'est que nous avions donc vu le troisième point, qui est un point qui fait suite à la mention des deux points précédents qui sont en rapport avec les conditions d'acceptation des œuvres. C'est-à-dire que la deuxième partie de la muqaddima aborde trois points. Le premier sur le suivi du messager, c'est-à-dire son obéissance. Le deuxième concernant l'unicité d'Allah dans le culte. Ces deux points-là sont des points qui constituent les deux conditions de validité des œuvres. Car comme vous le savez, on l'avait vu, et on l'a mentionné plus d'une fois, les œuvres ne seront acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala que si elles sont accomplies sincèrement pour lui, c'est-à-dire exclusivement pour lui, lui voit un culte pur et exclusif, et que cette adoration, dans son accomplissement, c'est-à-dire dans sa modalité, comment on l'a fait, ceci soit conforme à la pratique du prophète, alayhi salatu wasalam. Car comme vous le savez, les innovations sont rejetées. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, « Man amila amalan laysa alayhi amruna, fa huwa radd » C'est-à-dire, quiconque œuvre d'une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre ordre, la verra rejetée. Et donc, le troisième point, c'est concernant al-wala wal-bara. Et donc, on avait vu que Al-Wala Al-Bara, c'était le concept de l'alliance et du désaveu. Et Al-Wala, on avait vu que ça faisait référence à l'amour en Allah et le fait de secourir par rapport à lui. Et Al-Bara faisait référence à la détestation qui est éprouvée par rapport à ceux qui s'opposent à Allah. Et ceci sera en fonction de la désobéissance de l'individu. C'est-à-dire que, par exemple, on a une manifestation du désaveu à l'égard des polythéistes, mais on a une manifestation de désaveu à l'égard des musulmans pécheurs. Non. Mais chacun, ce sera en proportion de la désobéissance et du degré de la désobéissance dont il s'est rendu coupable. Non. Ensuite, on avait vu un hadith lors de notre étude de ce sujet, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné qu'il y avait trois éléments qui, s'ils se retrouvent réunis au sein d'un individu, wajada, c'est-à-dire qu'il va alors percevoir halawat al-iman. Il percevra la saveur de la foi. Le premier de ces trois éléments était le fait que Allah et son messager, alayhi salatu wasalam, soient plus aimés de lui que quiconque en dehors d'eux. C'est-à-dire qu'il aime Allah et son messager plus que tout. Et bien entendu, je tiens à préciser, on aime Allah, yani, d'un amour qui est dû, yani, par rapport à lui-même, et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est aimé pour Allah. Non. Et l'amour envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas le même que l'amour que l'on éprouve envers Allah, bien entendu. Mais donc, le premier aspect, c'est que Allah et son messager soient plus aimés de nous que quiconque en dehors de eux deux. Le deuxième aspect, c'est qu'une personne aime, une personne ne l'aimant que pour Allah. Et ça, c'est al-shahid, c'est l'aspect argumentatif concernant le sujet d'al-wala wal-bara. Et là, c'est une preuve concernant al-wala. Le troisième point mentionné dans ce hadith, c'est le fait que la personne détesterait l'idée de revenir à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé et qu'Allah l'en ait sorti, de la même manière qu'il exécrerait le fait d'être projeté dans le feu. Ensuite, parmi les notions importantes que Cheikh Obeid al-Jabri avait mentionnées dans son livre, Ithaf al-Uqul, il avait abordé le sujet de la bid'ah, le sujet de l'innovation. Et on avait vu qu'il y avait trois types d'innovation, trois catégories d'innovation. La première d'entre elles, c'est la bid'ah dite mukaffira. Quelle est-elle? Qu'est-ce que c'est? On avait vu que c'était la bid'ah qui rend mécréant. C'est-à-dire que c'est une bid'ah tellement grave qu'elle fait sortir celui qui s'en rend coupable de la religion de l'islam. Comme, et Cheikh Obeid al-Jabri avait donné comme exemple, parmi les exemples, At-Tajahum. At-Tajahum, c'est le fait d'avoir la croyance des Jahmites. La croyance des Jahmites, yani, ils ont de nombreux égarements, mais le plus, on va dire, le plus célèbre de leurs égarements, c'est le fait qu'ils aient rejeté les noms et les attributs d'Allah. Et ceci est du kufr. C'est une mécréance majeure expulsant celui qui s'en rend coupable de la religion de l'islam. Qu'Allah m'en préserve ainsi que vous. Ensuite, la deuxième bid'a, la deuxième catégorie de bid'a, c'est une bid'a qui est moindre, en deçà de cela. C'est la bid'a dite mufassiqa. La bid'a dite mufassiqa, c'est une bid'a qui n'expulse pas de l'islam, donc elle ne rend pas mécréant, mais elle fait que tu es du nombre des innovateurs, tu es du nombre des déviants, et tu n'es pas de Ahlul Sunnah wal Jama'a, mais tu n'es pas sorti pour autant de l'islam. Taïb. Ensuite, la troisième catégorie, c'est Maduna Dhalik, ce qui est moindre que cela. Et Cheikh Obeid al-Jabri avait donné comme exemple, comme le fait de faire le dhikr en groupe, en réunion. Le fait de faire un dhikr d'une voix comme une chorale, d'une seule et même voix comme une chorale, par exemple, ou en groupe, de cette manière-là. Puis Cheikh Obeid al-Jabri avait abordé un sujet important dont la compréhension nécessite d'être approfondie à travers les cours et les assises des gens de science. Car c'est un sujet que Cheikh Obeid al-Jabri a abordé, mais n'a pas approfondi. Et c'est un sujet qui nécessite, pour le musulman à notre époque, à une époque où l'innovation est répandue, et où les innovateurs et les groupes sectaires sont répandus, que le musulman soit instruit dans ce sujet, c'est le sujet du boycott. Le sujet du fait de rompre les liens, de rompre les interactions avec un musulman. Et donc ce sujet-là, Cheikh Obeid al-Jabri a mentionné certains aspects. Parmi les aspects importants, c'est que les gens de la sunna doivent avoir du fiqh, doivent avoir de la compréhension dans le sujet du boycott. C'est-à-dire de ne pas boycotter n'importe comment. Yani, il faut prendre en considération certains paramètres. Notamment, Parmi les paramètres à prendre en considération lorsque l'on envisage de boycotter quelqu'un, le fait de voir quelle est la position de Ahlus Sunna dans la localité de cet innovateur. Est-ce que la force et la domination est aux mains des gens de la Sunna, ou est-ce que ceux qui ont l'ascendant dans la ville, dans la localité, ce sont les gens de l'innovation? Et que si le boycott était accompli, peut-être que ceci, au final, serait préjudiciable à l'égard des gens de la Sunna. Donc ce genre de choses doivent être prises en compte. Et c'est pour ça qu'il faut revenir aux ulémas. Non, il faut revenir aux gens de science pour se concerter avec eux et revenir auprès d'eux pour s'instruire concernant le boycott en lui-même, ses modalités, et quand est-ce que l'on accomplit le boycott. Car le but du boycott, c'est de concrétiser des intérêts, de préserver des intérêts ou d'augmenter certains effets, aspects bénéfiques, et également repousser des méfaits ou les réduire ou les faire disparaître. Non. Ça, c'était l'essentiel de ce que je voulais couvrir avec vous dans la révision. Donc là, à présent, nous allons aborder la nouvelle matière. Nous allons donc aborder, bi'idhnillahi azzawajal, de la nouvelle matière dans le livre. Juste 2 secondes que je mette le livre sous mes yeux. Donc on s'était arrêté à la page 57 dans mon édition à moi. Et on est toujours dans le sujet de al-wala wal-bara. Et là, c'est un hadith sur lequel on s'était arrêté, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi avec ce qu'on appelle al-mudara. Al-mudara, c'est le fait d'avoir une certaine attitude visant à se prémunir du mal de quelqu'un qui est malfaisant, mais en continuant d'interagir avec lui. Donc, Cheikh Ubayd al-Jabir a mentionné le hadith dans lequel il est dit, d'abord il a mentionné le rawi, yani rawa al-Bukhari wa ghayruhu, an Aisha radiyallahu anha, annahu ista'adana rajulun ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith fait référence au fait que un homme a demandé la permission d'entrer auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Faqala idhanu lah, c'est-à-dire donnez-lui la permission, accordez-lui la permission d'entrer. Bi'sa akhul ashira, quel mauvais frère de tribu c'est, ou ibnul ashira, il y a une autre version qui mentionne ou qui leur a dit yani fils de tribu. Falamma dakhala alayhi alana lahu alqawl. Et donc lorsque cet homme est rentré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des paroles douces à l'égard de cet individu. Tatallaqa fi wajhihi. Falamma kharaja qalu lah ya rasul Allah qulta ma qult wa alanta lahu alqawl. Qala inna sharra an-nas man wada'ahu an-nas ittiqa'a fuhshihi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cet homme est rentré, il a eu des bonnes paroles avec lui, des paroles douces, et il a été souriant, il a été avenant à son égard. Et lorsque cet individu est sorti, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé par des gens, dans le sens où ils ont été intrigués, car ils lui ont dit « Qulta ma qult », yani tu as dit ce que tu as dit, c'est-à-dire les critiques que tu as émises à l'égard de cet individu avant qu'il ne rentre. Mais tu as été avenant envers lui, c'est-à-dire que tu as eu des paroles douces avec lui. Donc ils ont voulu comprendre pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam agit de cette manière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que les pires des gens, ce sont ceux dont les gens s'écartent par peur de leur déviance, de leur malfaisance. Et donc Cheikh Ubayd al-Jabri dit « فَلْيَفْقَهْ الدُّعَاتُ هَذَا الْجَانِبُ هَجُرُ الْمُبْتَدَعُ دِمْنَ قَاعِدَةِ الْوَلَا وَهُوَ وَاجِبٌ لَكِنْ حَيْنَمَا يُحَقِّقْ الْغَرَضْ وَلَا يُخْشَ بِالْهَجْرِ مَفْسَدَةً أَكْبَرْ مِنْهُ. » C'est-à-dire, donc Cheikh Ubayd al-Jabri, après avoir mentionné ce hadith, a dit que donc il faut que les prédicateurs, c'est-à-dire les prêcheurs, comprennent cet aspect-là, c'est-à-dire concernant ce sujet du boycott de l'innovateur, yani comme faisant partie du principe yani concernant al-wala, concernant le principe d'al-wala, de l'alliance. C'est une obligation. Lakin, donc l'interaction que l'on va avoir avec une personne, ça va être d'une manière qui permet de concrétiser l'objectif. Et qu'on ne craint pas, par le fait de boycotter cet innovateur, yani que ceci provoque un mal plus grand. Donc c'est-à-dire que lorsque l'on va boycotter un individu parmi les gens de l'innovation, on veut que ça concrétise un objectif. Et c'est dans le cadre où on ne craint pas que ceci Yanni, comme on dit, vous me passerez l'expression, jette de l'huile sur le feu. C'est-à-dire, provoque un mal plus grand encore. Non. Et pour la faïda, et ça, il me semble que je l'avais mentionné, le boycott, c'est un sujet scientifique précis nécessitant une pratique scientifique précise, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah, l'avait mentionné. Mais également, Cheikh Abdullah Al-Bukhari, parmi les ulémas de la ville de Médine, avait expliqué que le boycott était dans l'intérêt des gens dans trois aspects. C'est-à-dire que parmi les aspects du boycott, parmi les aspects positifs et les aspects que ça concrétise, le fait que c'est dans l'intérêt du boycotté. C'est-à-dire que la personne qui est boycottée, c'est une nasiha pour lui. Parce que ça rentre dans le fait de condamner son acte, ou sa voix, ou la voix, ou les propos qu'il tient. Donc c'est dans son intérêt à lui. C'est dans l'intérêt du boycotteur, c'est-à-dire celui qui va faire le boycott. Car en agissant ainsi, il se prémunit du mal de celui qu'il boycotte. Car l'innovation, c'est quelque chose qui se transmet. C'est-à-dire que ça se transmet par le fait que l'innovateur te transmet sa pensée, te donne des arguments du Coran et de la Sunna qu'il essaye de tourner et d'orienter vers sa cause. Yanni, comme s'il essaye de prouver sa légitimité, et après ça peut te perturber, toi, et faire de lui un de ses adeptes et de ses suiveurs. Donc le boycott est dans l'intérêt du boycotté, dans l'intérêt du boycotteur, et c'est également dans l'intérêt de la communauté musulmane qui assiste et qui est témoin de ce boycott. C'est-à-dire que les gens, dans une localité, s'ils voient qu'un tel qui faisait partie d'Ahlus Sunnah, qui était au milieu des gens de la Sunnah, tout le temps avec Ahlus Sunnah, donc ma'ruf bittamassuki bis Sunnah, d'un jour au lendemain, il se fait boycotter par tous les adeptes de la sunna de la localité. Même les gens qui sont parmi les gens de la masse, ils vont se poser des questions. Ils vont se poser des questions. Ils vont se dire qu'il y a quelque chose qui cloche, entre guillemets. Ils vont se dire, celui-là, il y a un problème avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a eu un changement dans l'interaction qu'on en a avec lui. Taïeb. Ensuite, concernant toujours le sujet des innovateurs, Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah, explique. Il dit wa fi sahihain, c'est-à-dire dans le sahih de l'imam al-Bukhari et dans le sahih de l'imam muslim, wa ghayrihima, yani et dans autre que le sahih al-Bukhari et le sahih de l'imam muslim, min urwat al-mubtadi'a. Il y a des rapporteurs, c'est-à-dire que dans les livres de hadith, il y a des hadiths qui ont été rapportés par des innovateurs, c'est-à-dire qu'il y a des narrateurs de hadith parmi les innovateurs. Wa hum ma'rufuna bayna an-nas bil-bid'ah, alors qu'ils sont connus parmi les gens pour être des innovateurs, yani connus pour l'innovation. Li'anna al-hajra أحيانا يترتب عليه مفاسد عظيمة إذا كان المبتدع أو راكب البدعة له شوكة وله قوة وله مكانة فهل ترى أن هجره وزجره يحقق غرضك أيها الداعية؟ Et donc, Cheikh Ubayd al-Jabiri, il aborde un point. Le point que, justement, il a mentionné à la fin du paragraphe précédent, il le développe un peu plus ici. Il dit car du fait que le boycott, parfois, il en découle un méfait plus grand. Dans le cas où l'innovateur, ou celui qui s'est rendu coupable de l'accomplissement d'une bid'a, il a de la force. C'est-à-dire qu'il a du pouvoir, il a une autorité, il a de la force. Ou il a un haut rang social dans la localité des gens de la sunna. Donc il dit, فَهَلْ تَرَى أَنَّ هَجْرَهُ وَزَجْرَهُ يُحَقِّقُ عَرَضَكَ أَيُّهَا الدَّاعِيَةُ. Il dit, ô toi le prédicateur, est-ce que tu vois dans ce cas-là, c'est-à-dire dans le cas où l'innovateur que tu souhaites boycotter, ô toi le prédicateur, il a un haut rang, une haute place, une autorité, une force, donc il a une capacité de nuisance. Est-ce que tu penses que le fait de le boycotter, est-ce que ceci va te permettre de concrétiser ton objectif, ô toi le prédicateur? Et là, justement, il fait référence à un point qui est important dans le fiqh, fi da'wa. Il donne un exemple pour imager ça. Il dit, لو دخلت بلدة من البلدان. Donc si tu rentres dans une localité, dans un village, dans une ville, parmi les différentes localités. Cheikhouha Qadari. Et donc le cheikh de la localité, du village dans lequel tu viens en tant qu'appelant à la sunna, c'est un Qadarit. Les Qadarites, ce sont ceux qui ont renié le destin. Ou Jabri. Et Jabri, ce sont des gens qui se sont égarés dans le destin, mais en exagérant dans l'affirmation de la volonté d'Allah. Il y en a au point qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas de volonté. Allah les force à faire leurs œuvres, etc. Ça, c'est des sujets qu'on abordera dans d'autres kutub. Incha'Allah ta'ala. Donc, le cheikh de cette localité, c'est un innovateur. Soit il a la croyance des Qadariyya, soit il a la croyance des Jabriyya, ou Soufi, ou c'est un Soufi. فَأَغْلَطْتَ لَهُ الْقَوْلِ. Et donc, si jamais tu es dur avec lui, c'est-à-dire que toi, tu arrives en tant que prêcheur à la sunna, et la localité de la localité, l'imam de la localité, le cheikh, l'homme de science auquel les gens se réfèrent de la localité, c'est un innovateur. Mais toi, d'emblée, tu viens et tu es dur avec lui. Tu as des paroles très dures. وَوَقَعْتَ فِي Et tu t'en prends à lui. نعم وَشَنَعْتَ عَلَيْهِ C'est-à-dire que tu as des propos très durs, il y en a des propos accusateurs et réprobateurs, il y en a avec une certaine sévérité. فَهَلْ تَتَمَكَّنْ مِنَ الدَّعْوَةِ Est-ce que tu penses que tu seras capable, on va te laisser tranquille, on va te laisser faire ta da'wa tranquillement? أَبَدًا Le cheikh il dit, c'est impossible. Il dit, إِنْ سَلِمَتْ حَيَاتُكَ لَنْ تَتَمَكَّنْ مِنَ الدَّعْوَةِ C'est-à-dire, si tu restes en vie, tu ne seras pas capable de faire même la da'wa. C'est-à-dire, déjà, il se peut que ta vie soit en danger. Car en effet, certains innovateurs mettent en danger la vie des gens de la sunna pour leur position. Non. Donc il dit, si tu restes en vie, tu, malgré tout, si tu, restes, tu survis à ça, suite à, ça, à cet événement, tu ne seras pas capable de pouvoir prêcher. فَإِذَنْ لِيَفْقَهْ طُلَّابُ الْعِلْمُ وَالدُّعَاهُ هَذَا الْجَانِبُ Donc que les étudiants en sciences et les prédicateurs comprennent cet aspect-là, c'est-à-dire ce sujet-là. Ensuite, Cheikh Ubayd al-Jabri mentionne à nouveau le verset qui sert de base dans le livre concernant le sujet de l'Wala wal-Bara, concernant l'alliance et le désaveu. Il dit « Fal-ayatul karima » donc c'est le dernier verset de Surat al-Mujadila dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la position des gens de l'islam par rapport aux gens qui s'opposent à Allah et son messager. Donc Allah Azza wa Jalla dit « La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hala Allah wa rasoola walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum » Donc ça veut dire, le verset dans son sens en français c'est « Tu ne trouveras pas parmi ceux, des gens parmi ceux qui croient en Allah au jour dernier qui prennent en affection yani ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Walau kanu, combien même seraient-ils aba'ahum leur père, ou abna'ahum, leur fils, ça fait deux catégories, ou ikhwanahum, ou leurs frères, ou ashiratahum, ou les gens de leur peuple, leur tribu, leur clan. Taïb. Et on avait vu que dans ce sujet-là, bien qu'on éprouve de la détestation religieuse à l'égard de ceux qui ont rejeté l'islam ou de ceux qui désobéissent à Allah Azzawajal, ça ne veut pas dire qu'on doit être malfaisant à leur égard. On doit agir envers les gens sans transgresser à leur rencontre. Et on avait expliqué notamment qu'il était permis d'aimer par exemple une personne qui est mécréante, d'un amour naturel. Mais il est interdit de l'aimer d'un amour religieux. On ne peut pas aimer une personne mécréante par rapport à sa mécréance. Mais il est permis d'aimer par exemple pour le converti ses parents qui sont mécréants. Il a le droit de les aimer d'un amour naturel. Mais il ne peut pas les aimer d'un amour de type religieux, c'est-à-dire les aimer par rapport à leur mécréance. Car cette mécréance, il doit l'exécrer, il doit la détester. Il doit détester cette mécréance-là. Mais dans l'interaction avec eux, il doit être de bienfaisance, de bon comportement, afin d'honorer ces gens qui sont bien que mécréants du nombre de ses parents, ils sont ses parents, et il a des devoirs envers eux. Mais il ne doit pas leur obéir dans ce qui est interdit. Et on l'avait vu dans les cours précédents. Je reprends dans les propos de Cheikh Ubayd al-Jabri, rahimahullah, suite à la mention de ce verset. « إِذَا كَانُوا يُبْغِضُونَ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَ الْآبَاء وَالْأَبْنَاء وَالْإِخْوَانِ وَالْعَشِيرَ فَمَنْ دُونَهُمْ أَوْلَى بِالْمُفَاصَلَةِ والمباغضة إذا كانوا محدين لله ولرسوله. Donc le fait que les gens de l'islam ils ont détesté yani ces quatre catégories d'individus, ils ont une détestation religieuse à l'égard de ceux qui sont parmi leurs parents, parmi leurs enfants, parmi leurs frères ou parmi les gens de leur tribu par rapport au fait qu'ils se soient opposés à Allah et à son messager. Alors ceux qui sont en deçà de eux, c'est-à-dire qui sont pas aussi proches que ces gens-là sont plus en droit d'être l'objet de la dissociation et de la détestation de la part des gens de la foi. Non. C'est-à-dire que si toi tu as détesté d'une détestation religieuse et conforme à l'islam, ton fils par exemple, parce qu'il est devenu un innovateur ou un apostat par exemple, tu appliques al-bara envers cette personne-là en proportion de son péché. Donc celui qui n'est même pas lié à toi par le sang, il est plus à même à ce que tu te désavoues de lui et que tu te dissocies de lui. Et que tu le détestes par rapport à son péché et sa transgression. Taïb. Ensuite, dans la page suivante, il est dit, Cheikh Ubayd al-Jabri rahimahullah dit, ثم بين الله سبحانه وتعالى ما أثابهم به من الأجر. Donc, c'est-à-dire que dans ce verset-là, on n'a mentionné qu'une partie. Mais la suite du verset contient la clarification qu'Allah a mentionnée quant à la récompense qu'auront ceux qui auront appliqué ce principe islamique qui est le principe d'al-wala wal-bara. Donc, ils auront établi al-bara, le désaveu, vis-à-vis de ceux qui s'opposent à Allah et son messager. Allah a clarifié la récompense qu'ils auront. C'est-à-dire, ثمرة هذه الموالاة fi dhatillah. Donc wal mu'ada fi dhati. Donc le fait que yani il a clarifié la récompense qui en découle et le fait le fruit qui découle de l'alliance pour Allah et du fait de prendre comme de considérer comme un opposant celui qui s'oppose à Allah et à son messager. Non. Donc le premier aspect de la récompense ulaika kataba fi qulubihimul iman. Donc ces gens-là qui auront appliqué le wala wal bara de la juste manière, ceux-là, qu'est-ce qu'Allah a mentionné? Donc parmi les fruits, le premier fruit, ulaika, ceux-là, kataba fi qulubihimul iman. Taïb. Et Allah a prescrit la foi dans leur cœur. Ça c'est la première chose. Ensuite, wa madha, et ensuite quoi? Wa ayyadahum bi ruhin minhu. C'est-à-dire il les a aidés. Dans certaines traductions, vous verrez d'un esprit venant de lui. Mais ce qui est voulu, beruhin min, c'est-à-dire d'une force. D'une force. Et Cheikh Ubayd al-Jabri dit ta'yid wa nusra wa hifz. C'est-à-dire ta'yid en leur accordant son aide, et wa nusra, leur accordant son secours, wa hifz, et en les protégeant, en les préservant. Wa madha, et ensuite, donc la première chose, qu'Allah a inscrit la foi dans leur cœur. Deuxièmement, Allah les secours, les aide, les assiste, les préserve. Troisièmement, wa madha. Et il les introduira jannatin. Il les introduira dans des jardins tajri min tahtiha l'anhar, c'est-à-dire sous lesquels coulent les ruisseaux, khalidina fiha, dans lesquels ils seront éternellement. Hadhihi al-mathuba al-thalitha. Donc ça c'est la troisième rétribution. Donc le fait qu'il les introduira dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, dans lesquels ils seront pour l'éternité. Qu'Allah m'accorde cette récompense ainsi qu'à vous. Taïb, la quatrième. Wa madha aydan, et quoi d'autre ensuite également? Radiallahu anhu, wa anhum, excusez-moi, wa radu anhu. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits d'Allah. Tayyib. Athbata anhum al-rida. Donc Allah a affirmé les concernant qu'il est satisfait d'eux. Fal-ayatu dalilun ala sifati al-rida lillah. Et donc ça, ce verset constitue une preuve quant à l'affirmation de l'attribut d'Allah d'al-rida. Et c'est un attribut d'action. Chez Abed al-Jabir, il n'a pas spécifié, c'est moi qui le rajoute, c'est un attribut d'action. Car comme on l'avait vu, les attributs d'Allah sont de deux. Quand on les divise en deux, les attributs d'essence et les attributs d'action. Et là, al-Rida, c'est un attribut d'action. Taïb. Concernant la partie du verset, radiallahu anhum wa radu anhu. Donc, Allah les agrée et ils sont satisfaits d'Allah. Radiallahu anhum bima qamu bih. C'est-à-dire qu'Allah est satisfait d'eux de par ce qu'ils ont accompli. وَمَا أَدَّوْ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَمِنْهَا الْوَلَى وَالْبَرَى. Donc de par ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils ont établi dans leur pratique religieuse, et du fait qu'ils ont donné ces droits à Allah. Et parmi ces droits, l'accomplissement d'al-wala wal-bara, l'accomplissement de l'alliance et du désaveu. وَرَادُوا عَنْهُ. Et eux sont satisfaits de lui, c'est-à-dire eux sont satisfaits d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a dans cette traduction littérale. Cheikh Ubayd al-Jabri dit « Bima nalahum minhum min al-jaza' al-azim » C'est-à-dire, ils sont satisfaits de par ce qu'ils recevront de la part d'Allah comme récompense énorme. Ensuite, « Wa madha » et après quoi ?« Ulaika hizbullah » Ceux-là, c'est-à-dire ceux qui se sont conformés à la pratique islamique correcte et qui auront pratiqué l'alliance et le désaveu, ils recevront les récompenses mentionnées précédemment. Et Allah les décrit comme étant « Ulaika hizbullah » Ceux-là sont le parti d'Allah. Cheikh Ubayd al-Jabri explique ce verset en disant « An-nas wa hizban » Il dit « Les gens sont en deux parties. Il y a deux parties dans l'humanité. « La thalitha lahuma » Il n'y en a pas de troisième. « Hizbullah » Le parti d'Allah. « Wa hizbu shaytan » Et le parti du diable. « Fa ahlu ta'atillahi hum hizbullah » Les gens qui sont des fervents obéissants à Allah font partie du parti d'Allah. Et je tiens à préciser, parce que des fois on entend Hezbollah, il y en a dans d'autres contextes, ce que l'on parle lorsqu'on parle du Hezbollah n'a rien à voir avec le Hezbollah qui est faussement appelé de cette manière-là, qui se trouve dans la région du Moyen-Orient, qui est un groupe terroriste. Là on parle du Hezbollah, il y en a le parti d'Allah parmi les croyants pieux et observants des règles de l'islam. Et l'islam ne corrobore pas et n'approuve pas les activités terroristes et le sectarisme dont s'est rendu coupable le groupe appelé, yani de façon illégitime, Hezbollah, qui est au Moyen-Orient et qui agit en Palestine et dans d'autres pays. Taïb. Je ferme ici cette parenthèse. coup, j'en étais où dans le livre? Non, فأهل الطاعة لله هم حزب الله. Donc les gens qui sont obéissants envers Allah, ce sont ceux qui font partie du parti d'Allah. وخصت هذا الحزب أهل السنة والجماعة. Et l'élite de ce groupe du parti d'Allah, ce sont les adeptes de la sunna et du groupe. ألا إن حزب الله هم المفلحون. Et certes, le parti d'Allah, ce sont ceux qui réussiront. Cheikh Rebel al-Jabari explique qu'est-ce qui est voulu par la réussite ici. Il dit falahun fi dunya. C'est-à-dire déjà, ils auront le succès. Les gens qui font partie du parti d'Allah auront le succès dans cette dunya. Bima massakahum bihi min kitabih. De par ce que Allah leur aura accordé dans cette vie comme cramponnement à ce qu'il y a dans son livre. C'est-à-dire qu'Allah leur a accordé le succès par le fait qu'ils aient obtenu de la part d'Allah la réussite qu'Allah leur ait permis de pouvoir se cramponner aux enseignements qu'il y a dans son livre. Et du fait qu'il leur a accordé de pouvoir se cramponner et de mettre en pratique et de se conformer et de suivre l'exemple prophétique. Et de ce qu'il leur a accordé comme yani, enracinement ou comme maîtrise dans ce sujet-là. وما هداهم إليه من صحة العقيدة والفقه في الدين الله. Et le fait qu'Allah leur a accordé dans cette vie la guidance vers lui ce vers quoi Allah les aura guidés en termes de croyance authentique et de compréhension de la religion d'Allah. C'est-à-dire, en résumé, le succès qu'Allah leur a accordé, ces gens qui font partie du groupe qui sont le parti d'Allah, auront le succès dans cette dunya et dans l'au-delà. Dans cette dunya, par le fait que déjà Allah leur accorde le succès du fait de se cramponner au Coran, de se cramponner à la sunna, d'avoir une bonne croyance et de comprendre la religion correctement. Taïb. Ensuite, concernant la réussite dans l'au-delà, wal falah fil akhirah, c'est-à-dire et la réussite dans l'au-delà, wal jannati wa na'imiha. Yani par le fait qu'ils auront le paradis et qu'ils jouiront de ses délectations, c'est-à-dire de ses délices. Wa minhu ma fi hadith al-hadith al-qudsi. Donc, et parmi ce qu'il y a à ce sujet-là, ce qui a été mentionné dans le hadith qudsi. Taïb, si vous vous rappelez, on avait vu l'explication ou le sens du hadith qudsi, c'est-à-dire le hadith dit divin. On avait vu que c'était la parole d'Allah, Azza wa Jal, mais que ceci ne faisait pas partie du Coran. Ceci ne faisait pas partie du Coran. Taïb. Donc Allah Azza wa Jalla a dit dans ce hadith Qudsi, A'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. C'est-à-dire, j'ai préparé pour mes serviteurs, mes pieux serviteurs, et c'est-à-dire là ça fait référence au paradis, j'ai préparé pour mes pieux serviteurs ma la 'aynun ra'at, ce que nul œil n'a jamais vu. Wala udhunun sami'at, ce que nulle oreille n'a jamais entendu. Wala khatara 'ala qalbi bashar, et ce que nul cœur d'un être humain n'a jamais yani imaginé. Taïb, ensuite concernant le parti du diable, wa hizbu shaytan. Cheikh Rebel al-Jabri dit humul kuffar, ce sont les mécréants, wa ahlun nifaq al-i'tiqadi. Donc, et ce sont ceux qui sont yani des hypocrites qui se sont rendus coupables de l'hypocrisie dans la croyance. Qu'est-ce qui est voulu par ce terme-là ? Al-nifaq al-i'tiqadi. J'ouvre ici une modeste parenthèse. Il y a deux types d'hypocrisie. Il y a al-nifaq al-amali et al-nifaq al-i'tiqadi. Ou le nifaq dit akbar et asghar. Quelle est la différence ? Le nifaq al-i'tiqadi, le nifaq dans la croyance, ça c'est le nifaq al-akbar, la grande forme d'hypocrisie. Qu'Allah m'en préserve ainsi que vous. Ça consiste dans le fait que tu manifestes en apparence la foi en l'islam, l'appartenance à l'islam et à la communauté musulmane, mais au fond de ton cœur, tu caches la mécréance. Donc ce que tu montres en apparence est différent de ce que tu as en toi. Donc tu prétends être musulman, bien que tu n'en fais pas partie. Ça, c'est le nifaq al-akbar. Qu'Allah m'en préserve ainsi que vous. Ensuite, le nifaq al-asghar, qu'on appelle également le nifaq al-amali, c'est le nifaq qui consiste à avoir certaines caractéristiques. C'est la personne qui s'en rend coupable est musulmane. Mais cette personne-là, dans ses actes, dans sa manière de se comporter, il a certaines caractéristiques similaires à celles des hypocrites. Parmi elles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a mentionné plusieurs, le fait de beaucoup mentir. S'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il trahit. Ou bien, s'il se dispute avec quelqu'un, il devient ordurier, c'est-à-dire qu'il devient vulgaire. Non. Donc ça, ce sont des caractéristiques que ont les gens de l'hypocrisie. Et donc, celui qui s'en rend coupable et qui est musulman, il croit en Allah et en son messager, il croit en l'islam sincèrement, mais il a une déficience, il a alors une similitude dans ses actes. C'est pour ça qu'on appelle ça « nifaq al-amali ». C'est une déficience qu'il a dans ses actes, dans son comportement, dans ses interactions, qui est similaire aux actes des hypocrites. Non. Mais ça ne sort pas de l'islam pour autant. Mais donc là, le parti du diable, ce sont les koufars et il y en a ceux qui sont des hypocrites d'une hypocrisie majeure. C'est-à-dire qu'ils sont mécréants mais qui prétendent l'islam. Taïb. Taïb. Est-ce qu'on poursuit ou pas? C'est vous qui voyez. Est-ce qu'on poursuit? Il y a le point suivant. Le troisième point, il fait moins de 5 pages. Ou attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous voulez, on poursuit ce point-là. Est-ce que vous êtes en forme suffisamment ou on s'arrête là? C'est vous qui voyez. Là, si on poursuit, on en a pour moins d'une demi-heure. Inch'Allah, avant 11h, on a fini. Inch'Allah. Moins d'une demi-heure. J'essaierai de pas faire de parenthèse, Inch'Allah. Non, parce que voilà, après ça peut finir tard avec le cours, elle a commencé avec 20 minutes de retard. Hmm? Non. Le cours, elle a commencé avec une vingtaine de minutes de retard. Non. Ce qui était prévu initialement. T'as bien. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on poursuivra la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc la semaine prochaine, on a cours de fiqh et cours de aqidah, bi'idhnillah. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions concernant ce qui est...